Bordeaux à travers mon micro. Ouais gros tu peux pas tester, c'est pas comme la vie de la tête. Là-bas c'est pas le best, eux ils sont à l'ouest. On présente aussi leur monstre, nous on les obéit, ça c'est pire. Je rappe comme si j'avais la dalle, mais je joue pas au tennis comme Rafael Nadal. Bordeaux, Bordeaux, tu peux pas tester. Leur monstre, non, ça vient de toute la tête. Comme la mer, toi tu mens comme si les poules avaient 10 ans. Tu penses qu'à toi, il faut que tu penses aux autres une nouvelle fois. Et fonce toi et tu verras que la vie pensera à toi. Pense à ton avenir pour te dire que toute ta vie est devant toi. Bordeaux, Bordeaux, tu peux pas t'être. Leur nom, sinon ça va pour toute ta chaise. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido. Mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Temida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece. Correndo contra o tempo esquece sem. Bordeaux à travers mon micro, ouais je crois que tu peux pas tester, c'est pas comme la vie de la tête. Là-bas c'est pas le best, eux ils sont à l'ouest. Je représente aussi leur monstre, nous on les oublie, ça c'est pire. Je rappe comme si j'avais la dalle, mais je suis pas au tennis comme Rafael Nadal. Galhos e assim seremos árvores, sozinhos sou semente. Contigo somos caule, com eles somos galhos e assim seremos árvores. Pode ser, é claro que sim.